Oui, dans la nuit du jeudi au vendredi, dans le bus retour des fêtes de Bayonne, mon épouse et moi, nous sommes tombés sur quatre individus, trois hommes et une femme. Ostegun gauean Baionako bestetatik sartzean, ni eta nire emazteak lau pertsonekin topo egin dugu autobusan, hiru gizon eta emazte bat. Batek ezagutu nau eta edabideetan arroputzarena egiten nuela lepuratu dit, gehitu du ere Tarnosiko auzapeza defendatzen nuela. Et puis à ça il a ajouté tu défends le maire de Tarnos, tu défends le maire de Tarnos. Et bon, j'ai été frappé par Gero batek jo nau eta nire emaztearen leak tiratu dituzte, autobusetik kanpo bota gaituzte, agresaren kontra zapaldu naute. Et on a été éjecté sur le trottoir, j'ai été plaqué. Nik lotura zuzena egiten dut prentsan agertu bait naiz azken hauetan, Tarnosen autobusak atxikitzaren aldeko elkartearen izenean. En tant que porte-parole, président de l'association qui défend le maintien des bus à Tarnos.